Le Québec est un immense territoire vivant, façonné par l'eau, la forêt, le froid et le temps. Un territoire où la nature a travaillé pendant des millions d'années avant l'arrivée de l'humain, laissant derrière elle une mosaïque complexe de milieux naturels qui se soutiennent les uns les autres. L'eau est la première grande architecte du Québec. Le territoire compte des centaines de milliers de lacs, formés principalement par le retrait des glaciers à la fin de la dernière période glaciaire. Ces lacs ne sont pas répartis au hasard. Ils occupent les fractures du bouclier canadien, remplissent les dépressions laissées par la glace et forment un immense réseau relié par des rivières, des ruisseaux et des zones humides. L'eau est partout, visible ou souterraine, lente ou rapide, froide presque toute l'année. Elle façonne les sols, régule la température, transporte les nutriments et crée les conditions nécessaires à la vie. Autour de cette eau s'étend la forêt, dominante sur une grande partie du territoire. La forêt boréale couvre le nord et le centre du Québec. Elle est composée surtout de conifères, épinettes, sapins pins, mélèzes, capables de survivre au froid intense, au sol pauvre et aux hivers très longs. Plus au sud, la forêt mixte apparaît, mélange de conifères et de feuillus, érables, bouleaux, peupliers, frênes. Cette transition crée une diversité biologique exceptionnelle, car chaque type de forêt offre des abris, de la nourriture et des niches écologiques différentes. Le climat joue un rôle central. Les hivers longs, froids et enneigés sélectionnent les espèces capables de s'adapter. Les animaux doivent conserver la chaleur, économiser l'énergie, trouver de la nourriture malgré la neige et le gel. L'été est court mais intense. La croissance des plantes est rapide. Les insectes émergent en masse. Les jeunes animaux naissent souvent à cette période précise, quand la nourriture est la plus abondante et que les conditions sont les moins hostiles. Les sols du Québec sont souvent minces, acides et peu fertiles, surtout sur le bouclier canadien. Pourtant, la vie s'y accroche. Les mousses, les lichens, les herbes, les arbustes et les arbres travaillent ensemble. Les feuilles tombent, se décomposent lentement, nourrissent les micro-organismes. Cette base invisible est essentielle. Sans elle, rien ne pousse, rien ne se nourrit, rien ne survit. Les milieux humides occupent une place capitale. Marais, marécages, tourbières agissent comme des éponges naturelles. Ils filtrent l'eau, ralentissent les crues, stockent le carbone et servent de nurserie pour d'innombrables espèces. Beaucoup d'animaux dépendent directement de ces milieux pour se reproduire, se nourrir ou se protéger. Amphibiens, oiseaux, insectes, mammifères y trouvent refuge à différents moments de leur vie. Dans cet immense territoire, chaque élément est lié aux autres. L'eau influence la forêt. La forêt protège les sols. Les sols nourrissent les plantes. Les plantes nourrissent les herbivores. Les herbivores nourrissent les carnivores. Rien n'est isolé, tout circule. L'énergie du soleil est captée par les plantes, transformée, transmise de corps en corps, de génération en génération. Le Québec n'est pas un simple décor. C'est un système vivant, ancien, robuste, mais aussi fragile. Les animaux qui y vivent ne sont pas là par hasard. Ils sont le résultat d'une longue adaptation à ce territoire précis, à ses hivers, à ses étés, à ses forêts, à ses eaux innombrables. Comprendre la faune du Québec, c'est d'abord comprendre ce territoire, car chaque animal en est une expression vivante. L'orignal est le plus grand cervidé du Québec, un animal massif, silencieux, parfaitement adapté aux forêts humides, aux marécages et aux lisières de lacs. Son corps puissant repose sur de longues pattes qui lui permettent de marcher dans l'eau, à neige profonde et les terrains spongieux où peu d'animaux peuvent circuler. Sa présence est souvent trahie par des traces larges, des branches brisées, des sentiers boueux qui longent les étangs et les rivières. La relation entre le mâle et la femelle est saisonnière. À l'automne, pendant le rut, le mâle devient plus actif et plus visible. Il se déplace davantage, frotte ses bois contre les arbres, gratte le sol, dégage une forte odeur et pousse des vocalises graves pour attirer les femelles et intimider les autres mâles. Les combats sont rares, mais peuvent être violents. Les bois s'entrechoquent, les corps se heurtent, et le plus fort impose sa dominance. Une fois l'accouplement terminé, le mâle se retire et ne participe pas à l'éducation des jeunes. La femelle porte son petit tout l'hiver. Au printemps, elle s'isole dans un milieu calme, souvent près de l'eau, pour mettre bas. Le veau naît déjà grand, mais fragile. Les premières heures sont critiques. La mère le lèche, le stimule, l'encourage à se lever. Très vite, elle développe un comportement protecteur intense. Elle reste vigilante, écoute sans observe. Elle peut devenir dangereuse si elle perçoit une menace, car la survie de son petit dépend entièrement d'elle. L'apprentissage est progressif. Le veau suit sa mère partout. Il apprend quels végétaux manger, quand se déplacer ou traverser, comment utiliser les milieux aquatiques pour fuir les insectes et la chaleur. L'été est une période de croissance rapide. Le lait maternel, riche et abondant, permet aux jeunes de prendre du poids et de développer sa force avant l'hiver. L'orignal se nourrit principalement de végétation. Il consomme feuilles, rameaux, herbes, plantes aquatiques. En broutant, il façonne la forêt. Il ouvre des espaces, ralentit la régénération de certains arbres, favorise d'autres espèces végétales. Il influence directement la structure du milieu. Sa présence crée un paysage différent, plus ouvert, plus diversifié. L'orignal est une proie importante pour le loup. Cette relation ancienne structure les populations. Les loups ciblent surtout les individus affaiblis, très jeunes ou très vieux. Cette pression naturelle contribue à maintenir une population d'orignaux plus saine, mieux adaptée au territoire. L'équilibre entre ces deux espèces est fragile et dépend directement de la qualité du milieu et de la tranquillité des habitats. L'ours noir est un omnivore puissant et intelligent, présent sur une grande partie du territoire québécois. Surtout dans les forêts denses, les zones mixtes et les secteurs riches en nourriture saisonnière. Malgré sa taille et sa force, il demeure un animal discret, qui évite généralement le contact et passe une grande partie de sa vie à chercher, sentir et analyser son environnement. La relation entre le mâle et la femelle est brève et sans attachement durable. L'accouplement a lieu au début de l'été, mais la particularité de l'ours réside dans l'implantation différée. L'embryon ne s'implante dans l'utérus que plusieurs mois plus tard, à condition que la femelle ait accumulé suffisamment de réserves de graisse. Cette stratégie permet de synchroniser la naissance avec la fin de l'hiver, au moment où la mère est encore en tanière et protégée. La femelle met bas en plein hiver, souvent en janvier ou février, alors qu'elle est en hibernation. Les oursons naissent minuscules, aveugles, presque sans poils, entièrement dépendants de leur mère. Ils têtent pendant que la femelle reste en état de torpeur. Cette période est cruciale. La chaleur corporelle de la mère, la richesse du lait et la tranquillité de la tanière assurent la survie des petits. Au printemps, la mère sort de la tanière avec ses oursons. Elle devient extrêmement vigilante. Elle enseigne aux jeunes comment se déplacer, grimper, chercher la nourriture, reconnaître les dangers. Les oursons apprennent en observant et en imitant. Ils jouent beaucoup, ce qui développe leur coordination, leur force et leur capacité à interagir avec le monde. La mère reste avec eux pendant plus d'un an, parfois jusqu'à 2 ans, avant de les repousser pour permettre un nouveau cycle reproductif. L'ours se nourrit d'une grande variété d'aliments. Il consomme des végétaux, des petits fruits, des racines, des insectes, du miel, des carcasses, parfois de petits animaux. Cette alimentation variée lui permet de s'adapter à des milieux très différents et de survivre, malgré les variations saisonnières. À l'automne, il entre dans une phase d'hyperphagie, mangeant presque sans arrêt pour accumuler les réserves nécessaires à l'hiver. Le rôle de l'ours dans l'écosystème est multiple. Il disperse des graines sur de grandes distances, recycle la matière organique, contrôle certaines populations d'insectes. Sa présence influence aussi le comportement d'autres animaux. Bien qu'il soit parfois perçu comme une menace, l'ours noir est surtout un maillon important de l'équilibre naturel, un survivant ancien, façonné par les forêts et le rythme des saisons. Le chevreuil, aussi appelé cerf de Virginie, est un animal agile, vigilant et extrêmement adaptable, présent surtout le sud et le centre du Québec, là où les hivers sont un peu moins rigoureux et les forêts plus fragmentées. Il vit à proximité des champs, des lisières boisées, des zones agricoles et des forêts mixtes, tirant profit de la diversité des milieux pour se nourrir et se cacher. La relation entre le mâle et la femelle est marquée par le ru à l'automne. Le mâle devient plus actif, parcourt de grandes distances, marque son territoire, frotte ses bois contre les arbres et suit les femelles réceptives. Les combats entre mâles sont fréquents, mais généralement brefs. Ils servent à établir la dominance et l'accès aux femelles. Une fois l'accouplement terminé, le mâle se retire et ne joue aucun rôle dans l'élevage des jeunes. La femelle porte ses petits tout l'hiver. Au printemps, elle met bas, souvent des jumeaux, dans un endroit discret, à l'abri des regards et des prédateurs. Les faons naissent tachetés, une coloration qui les rend presque invisibles dans la végétation. La mère les laisse souvent seules pendant de longues périodes, revenant seulement pour les allaiter. Cette stratégie réduit les risques d'attirer les prédateurs par sa présence. L'apprentissage se fait progressivement. Les faons suivent leur mère, apprennent à reconnaître les plantes comestibles, à se déplacer silencieusement, à détecter les dangers. La vigilance est constante. Le chevreuil dépend fortement de ses sens, surtout l'ouïe et l'odorat. À la moindre alerte, il s'immobilise ou s'enfuit en bond rapide, utilisant sa queue blanche comme signal visuel. Le chevreuil se nourrit principalement de feuilles, de bourgeons, de jeunes pousses, de fruits et de cultures agricoles. En broutant intensément certaines plantes, il influence la régénération forestière et la composition des sous-bois. Sa présence façonne les milieux, parfois de façon visible, surtout lorsque les populations sont élevées. Le chevreuil est une proie importante pour plusieurs prédateurs, notamment le loup dans certaines régions. L'hiver, la neige profonde le rend plus vulnérable, limitant ses déplacements et augmentant la pression de prédation. Cette relation naturelle contribue à maintenir un équilibre entre les populations et le territoire disponible. Le caribou est un animal emblématique des grands espaces nordiques du Québec, étroitement lié au milieu froid, aux vastes forêts boréales et surtout à la toundra. Il se distingue par sa capacité à parcourir de très longues distances, à vivre dans des territoires ouverts et à survivre là où la nourriture est rare et les conditions extrêmes. Son corps est fait pour le froid, avec un pelage dense, des sabots larges qui agissent comme des raquettes sur la neige, et comme des pagaies dans les zones humides. La relation entre le mâle et la femelle est marquée par le ru à l'automne. Les mâles portent de grands bois et rivalisent pour l'accès aux femelles. Les combats sont surtout des démonstrations de force et de taille. Une fois l'accouplement terminé, les mâles perdent progressivement leur rôle social, tandis que les femelles se regroupent entre elles, formant des unités plus stables. La femelle porte son petit tout l'hiver. Au printemps, elle se déplace vers des aires de mise bas plus isolées, souvent loin des prédateurs. Le faon est déjà capable de se lever et de suivre sa mère en quelques heures. Cette rapidité est essentielle dans des milieux ouverts où il y a peu de cachettes. Dès les premiers jours, la mère et le petit se déplacent constamment pour éviter d'être repérés. L'éducation du jeune est discrète mais constante. Le faon apprend à suivre, à reconnaître les lichens, les plantes, les parcours sûrs. Le lichen est une ressource clé pour le caribou, surtout en hiver. Il gratte la neige avec ses sabots pour atteindre cette nourriture pauvre, mais essentielle. Cette dépendance au lichen rend le caribou très sensible aux perturbations du milieu, car le lichen met des décennies à se régénérer. Le caribou est une proie importante pour le loup. Cette relation ancienne structure son comportement. Les caribous évitent les zones trop boisées, préfèrent les espaces ouverts où ils peuvent voir venir les prédateurs de loin. Les déplacements en groupe augmentent les chances de survie. La pression de prédation, combinée au changement du territoire, influence fortement la dynamique des populations. Le caribou est un indicateur de la santé des milieux nordiques. Sa présence signale un territoire vaste, calme, peu fragmenté. Sa disparition est souvent le signe d'un déséquilibre profond. C'est un animal ancien, fragile, parfaitement ajusté à un monde froid et silencieux, qui dépend étroitement de la stabilité de son environnement. Le carcajou est l'un des animaux les plus méconnus et les plus impressionnants de la faune du Québec, un survivant des milieux froids, vastes et isolés. Il vit surtout dans le nord, là où les territoires sont immenses, peu fréquentés et difficiles d'accès. Malgré sa taille relativement modeste, il possède une force exceptionnelle, une endurance remarquable, et une détermination qui lui ont valu une réputation presque légendaire. La relation entre le mâle et la femelle est rare et brève. Le carcajou est un animal solitaire. Les rencontres se produisent surtout pendant la période de reproduction. Après l'accouplement, le mâle se retire et ne participe pas à l'élevage des jeunes. La femelle choisit un site très protégé pour mettre bas, souvent sous la neige, dans un amas de roches ou sous des racines, là où peu de prédateurs peuvent accéder. Les petits naissent aveugles et dépendants. La mère les protège avec une vigilance extrême. Elle peut parcourir de longues distances pour se nourrir, mais revient régulièrement au site de mise bas. L'apprentissage est lent et exigeant. Les jeunes observent leur mère chasser, fouiller, transporter des carcasses parfois beaucoup plus grosses qu'eux. Cette transmission du savoir est essentielle, car la survie du carcajou repose sur l'ingéniosité autant que sur la force. Le carcajou est un omnivore opportuniste. Il se nourrit de petits animaux, d'oiseaux, de rongeurs, mais surtout de carcasses laissées par les grands prédateurs comme le loup. Il est capable de défendre une carcasse contre des animaux plus gros que lui, utilisant son agressivité, sa mâchoire puissante et sa ténacité. Cette capacité à exploiter les restes lui permet de survivre dans des milieux où la nourriture est rare et imprévisible. Son rôle écologique est important. En consommant les carcasses, il recycle la matière organique, limite la propagation des maladies et nettoie le territoire. Il contribue à l'équilibre naturel des milieux nordiques, même s'il est rarement observé. Sa discrétion, son vaste domaine vital et sa faible densité en font un animal difficile à étudier. Le carcajou dépend fortement de grands territoires continus. La fragmentation du milieu, la réduction des zones tranquilles et la pression humaine affectent directement sa survie. Sa présence est un signe de wilderness intact, d'un territoire encore capable de soutenir des espèces exigeantes. Le carcajou incarne la rudesse, la persévérance et la résilience de la faune nordique du Québec. Le renard roux est un animal rusé, discret et extrêmement adaptable, présent dans presque tous les milieux du Québec, des forêts profondes aux zones agricoles, des régions nordiques jusqu'aux abords des villages. Sa capacité à vivre près de l'humain sans se faire remarquer témoigne de son intelligence et de sa grande souplesse comportementale. La relation entre le mâle et la femelle est plus stable que chez plusieurs autres carnitailles similaires. Le couple se forme pendant la saison de reproduction et peut rester uni pendant toute la période d'élevage des jeunes. Le mâle participe activement à l'approvisionnement de la femelle et des renardeaux, apportant de la nourriture aux terriers et assurant une surveillance du territoire. La femelle met bas au printemps dans un terrier creusé ou réaménagé, souvent situé dans un talus, une haie ou un secteur bien drainé. Les renardeaux naissent aveugles et dépendants. La mère reste avec eux pendant les premières semaines, tandis que le mâle chasse et rapporte la nourriture. Cette coopération augmente considérablement les chances de survie des jeunes. L'éducation des renardeaux est progressive et ludique. Les parents apportent des proies vivantes ou mortes pour permettre aux jeunes d'apprendre à chasser. Les jeux sont fréquents et servent à développer les réflexes, la coordination et la hiérarchie. Les jeunes explorent graduellement le territoire, toujours sous la surveillance des adultes. Le renard se nourrit d'une grande variété de proies. Il chasse les petits rongeurs, les oiseaux, les insectes, consomme des fruits, des baies et parfois des restes laissés par l'humain. Cette alimentation diversifiée lui permet de s'adapter rapidement aux changements du milieu et de maintenir des populations stables dans des environnements très différents. Le renard joue un rôle important dans le contrôle des populations de petits animaux, notamment les rongeurs. Sa présence contribue à l'équilibre des écosystèmes, même dans les paysages modifiés par l'activité humaine. Discret, observateur, opportuniste, le renard est un symbole d'adaptation et d'intelligence au sein de la faune du Québec.